L'été prolonge enfin sa course dérisoire dans l'air, en notre sang, dans la chaleur du jour. L'arbre éclate des feux de sa nouvelle gloire, le vent se fait plus calme ou brûle tour à tour. L'ombre qui revenait s'enfuit à n'y pas croire, et mon amour toujours veut croire en ton amour.